Chapitre 23e. Une heure s'écoula avant le retour du général. Cette absence prolongée, ces promenades solitaires n'annonçaient pas un esprit en repos ni une conscience pure. Il parut. Si mélancoliques qu'eussent été ses méditations, il eut la force de sourire. Mademoiselle Tilney, qui comprenait le désir qu'avait son ami de visiter Northanger, manœuvra en conséquence. Enfin, le général fut prêt à les accompagner, manquant sans doute d'un prétexte nouveau pour retarder encore l'expédition. Tout au plus, sollicita-t-il au dernier moment un délai de 5 minutes, le temps d'ordonner qu'on préparât des rafraîchissements pour le retour. Ils se mirent en route. D'une allure noble qui frappa Catherine sans ébranler ses livresques soupçons, il les mena, par le vestibule, le salon et une antichambre désaffectée, dans une pièce dont étaient magnifiques les dimensions et les meubles. C'était le salon des grands jours, celui où l'on recevait les hôtes de marque. Qu'il fût très imposant, très vaste, très beau, était tout ce que Catherine trouvait à dire. La louange en sa particularité, la louange vraiment significative, fut entière le fait du général. Catherine, la somptuosité ou l'élégance de nulle chambre ne lui importait. Elle n'avait cure d'aucun mobilier qui fût d'une époque plus moderne que le 15e siècle. Le général, ayant enfin satisfait sa propre curiosité à l'examen méticuleux des moindres choses qu'il connaissait si bien, on se rendit dans la bibliothèque. Elle était par ses livres d'une opulence égale à celle du salon. Catherine écouta, admira, s'étonna plus sincèrement et des connaissances accumulées là cueillit le plus qu'elle put à parcourir les titres d'un demi-rayon de volume. Le reste des appartements ne répondit pas à son désir. Et quand on lui dit que les 6 ou 7 pièces qu'elle venait de visiter constituaient 3 des côtés de la cour, elle eut peine à vaincre le soupçon qu'on lui cachait l'existence de salles secrètes. Du moins, pour regagner les chambres d'usage quotidien, passa-t-on par une enfilade de petites pièces et par des couloirs qui mettaient en communication les différents points de la demeure. À ses yeux, le voyage alors se décora de quelques lustres. Elle traversait ce qui avait été le cloître. On lui fit constater les vestiges des cellules. Elle-même remarqua plusieurs portes qui lui restèrent closes et dont le rôle ne lui fut pas dit. Elle se trouva successivement dans une salle de billard et dans l'appartement privé du général, sans comprendre leur connexion et sans pouvoir s'orienter. Enfin, elle passa par un réduit bien sombre dépendant des possessions de Henry et où gisaient enfouis livres, armes et manteaux. Comme, avant de pénétrer dans la cuisine, on traversait la salle à manger, le général ne put se priver du plaisir de mesurer de ses propres pas la longueur de la pièce, vue déjà et que l'on devait revoir tous les jours à 5 heures, afin que Catherine constatât l'exactitude du renseignement qu'il lui avait donné. La cuisine, l'ancienne cuisine du couvent, recelait dans ses murs massifs et sorts tout un attirail moderne de fourneaux. Là s'était exaltée l'ardeur novatrice du général. Tous les appareils qui facilitent l'œuvre des cuisiniers y avaient trouvé place, et quand l'industrie des inventeurs avait failli, la sienne s'était révélée en triomphe. À eux seuls, les perfectionnements dont il avait doté ces lieux l'eussent mis très haut parmi les bienfaiteurs de l'abbaye. Catherine avait vu maintenant tout ce qui subsistait d'ancien à Northanger, tout ce qui était vénérable. Le 4e côté de la cour avait, à cause de sa décrépitude, été démoli par le père du général, et sur son emplacement, on avait réédifié. La construction neuve ne se contentait pas d'être neuve, elle se proclamait naïvement telle. Consacrée uniquement au commun, il n'avait pas paru que le style du reste des bâtiments lui fût indispensable. Qu'on eût détruit la partie la plus précieuse, évidemment, de l'abbaye, et dans un misérable but utilitaire, Catherine en eût crié. Elle eût voulu éviter la honte de visiter si solennellement une scène si déchue. Mais s'il était une chose dont le général tira vanité, c'était l'aménagement de ses communs. Il ne s'excuserait pas de l'y conduire, sachant qu'elle serait touchée de voir combien était rendu facile le labeur des gens qui la servaient. Catherine fut surprise de la multiplicité des salles et de leurs commodités. Tels travaux qui s'exécutaient à Fullerton, dans des officines mal agencées et un étroit lavoir, avaient ici pour théâtre des locaux spécialisés et spacieux. Le nombre des domestiques, il en paraissait sans cesse de nouveau, ne l'étonna pas moins. À chaque instant, une fille en patin s'arrêtait pour faire une révérence, quelques valets de pied en petite tenue s'escampaient. Pourtant, on était dans une abbaye. Mais combien différente en son fonctionnement de celle dont lui avaient parlé les livres. Abbaye et château plus vastes certainement que Northanger, et où les basses besognes étaient faites par deux paires de mains féminines. Comment si peu de mains parvenaient à faire tout l'ouvrage? Cela avait souvent étonné Madame Allen. À voir quel concours de monde on employait ici, Catherine sentit naître le même étonnement. Ils regagnèrent le vestibule. Il importait en effet de monter par l'escalier d'honneur et d'admirer les sculptures de sa rampe. En haut, ils suivirent la galerie, mais à l'opposite de la chambre de Catherine, et s'engagèrent dans une autre galerie plus large et plus longue. Furent visitées trois vastes chambres à coucher avec leur cabinet de toilette. Meublées ou aménagées depuis moins de 5 ans, ces pièces se paraient d'un luxe qui devait plaire à tout le monde, à Catherine non pas. Comme la visite touchait à sa fin, le général, après avoir cité négligemment quelques personnages de distinction qui avaient honoré de leur présence les 10 appartements, se tourna souriant vers Catherine et se hasarda à espérer que parmi les premiers hôtes de ces lieux puissent figurer nos amis de Fullerton. Elle fut touchée de ce souhait inattendu et regretta cette impossibilité où elle était d'avoir une bonne opinion d'un homme si bienveillant pour elle et si plein d'amabilité pour sa famille. La galerie se terminait sur une porte à 2 battants que Mademoiselle Tilney, forçant un peu le pas, avait déjà ouverte et franchie. Elle était sur le point d'ouvrir une porte à gauche dans le couloir qui s'allongeait devant eux, quand le général la rappela vivement et avec une certaine colère, crut remarquer Catherine, lui demanda où elle allait. Qu'y avait-il là à voir encore? Miss Morland n'avait-elle pas vu tout ce qui était digne de son attention? Éléonore ne jugeait-elle pas son amie assez fatiguée? Mademoiselle Tilney rebroussa chemin. Les lourds vantaux se refermèrent devant Catherine mortifiée. Mais elle avait aperçu, d'un coup d'œil rapide, un passage plus étroit et l'amorce d'un escalier tortueux. Enfin, elle était sur la voie de quelque chose qui mérita son attention. Combien n'eût-elle pas préféré, et elle revenait tristement sur ses pas, explorer cette région que d'être admise à contempler les somptuosités du reste de la demeure? Le souci qu'avait manifesté le général d'empêcher cette exploration était un stimulant à sa curiosité. Son imagination avait pu l'égarer une fois ou deux, mais elle ne l'égarait pas cette fois. Il y avait quelque chose à cacher. Ce qu'était cette chose? Une courte phrase de Mademoiselle Tilney, tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier derrière le général, sembla le préciser. « J'allais vous conduire dans la chambre qui fut la chambre de ma mère, la chambre où elle mourut. » Pour laconique que fussent ces paroles, elles étaient révélatrices. Le soin avec lequel le général fuyait cette chambre s'expliquait. Une chambre dans laquelle, selon toute probabilité, il n'était pas entré depuis la scène terrible qui délivra sa pitoyable femme et le livra en proie au tourment de sa conscience. Seule avec Éléonore, elle se hasarda à exprimer son désir d'être autorisée à voir et cette chambre et ses alentours. Éléonore promit qu'elle l'accompagnerait au premier moment favorable. Catherine comprit. Il fallait attendre que le général fût absent. « Elle est restée, je pense, dans l'état où elle était alors ?» dit-elle avec sentiment. « Oui, absolument. Et depuis combien de temps votre mère est-elle morte ?»« 9 ans. »« Vous êtes restée auprès d'elle, je suppose, jusqu'à la fin ?»« Non, » dit Mademoiselle Tilney avec un soupir. « J'étais malheureusement absente. La maladie fut soudaine et courte. Avant mon retour, tout était fini. » Le sang de Catherine se figea aux horribles suggestions qui naissaient naturellement de ces mots. Était-ce possible? Le père de Henry pouvait-il? Cependant, les preuves abondaient, corroborant les plus noirs soupçons. Et le soir, tandis qu'elle travaillait avec son amie, elle vit le général arpenter lentement le salon, 1 heure durant, les yeux baissés, les sourcils froncés. C'était bien l'attitude d'un Montoni. Sans doute il n'avait pas encore dépouillé tout sentiment humain, et méditait-il au ressouvenir d'un crime. Malheureux homme! Sous l'empire de ses spéculations, l'anxieuse Catherine leva si souvent les yeux vers lui que Mademoiselle Tilney s'en aperçut. « Mon père, dit-elle à mi-voix, souvent se promène ainsi de long en large. » « Tant pis, pensa tristement Catherine, à constater de quel mauvais augure était cette concordance entre un exercice si hors de propos et les inopportunes promenades du matin. Après une soirée dont la monotonie et la longueur lui rendirent particulièrement sensible l'absence de Henry, elle fut heureuse d'être délivrée. Sur un signe du général, Éléonore sonna. Le valet de chambre voulait allumer la lampe de son maître, mais le général ne se retirait pas encore. « J'ai à lire plusieurs brochures, » dit-il à Catherine, « avant d'avoir le droit de me coucher. Peut-être mes yeux resteront-ils fixés sur les affaires du pays bien des heures encore, après que vous vous serez endormis. Chacun ne sera-t-il pas dans son rôle ? Mes yeux s'abîmeront pour le bonheur d'autrui. Pour son malheur, les vôtres rénoveront dans le sommeil leurs vertus. » Mais ce compliment magnifique n'empêcha pas Catherine de penser qu'une cause très différente de la cause alléguée décidait le général à sursoir au sommeil. Veillé plusieurs heures après que tout le monde fut couché, et sous le prétexte de vaines brochures à lire, n'était pas très vraisemblable. Il devait y avoir à cela une cause plus profonde. Quelque chose à faire qui ne pouvait être fait qu'à la faveur du sommeil unanime. Peut-être Madame Tilney vivait-elle encore. Peut-être recevait-elle nuitamment une nourriture grossière des dures mains de son maître. Si choquante que fût cette idée, croire à un trépas délibérément hâté était plus affreux encore. Cette maladie subite, l'absence d'Éléonore et sans doute des autres enfants, tout favorisait l'hypothèse d'un emprisonnement. Le motif ? La jalousie, peut-être, ou une gratuite cruauté, cela était à élucider. Tandis qu'elle ressassait en son esprit ces choses et se déshabillait, elle songea soudain qu'il était bien possible qu'elle eût, le matin même, passé près du lieu où cette femme infortunée était retenue prisonnière, passé à quelques pas de la cellule où la captive languissait ses jours. Quelle partie de l'abbaye était plus idoine à ses fins que celle où subsistaient les vestiges monastiques ? Dans le corridor dallé et haut voûté où elle avait éprouvé comme une douleur, il était des portes, elle s'en souvenait, dont le général ne lui avait point donné l'explication. Sur quoi ces portes étaient-elles closes ? La galerie interdite où étaient les appartements de l'infortunée Madame Tilney devait être, si Catherine s'orientait bien, exactement au-dessus de cette rangée de cellules suspectes, et l'escalier qu'elle avait entrevu et qui devait communiquer secrètement avec ces cellules avait pu faciliter l'œuvre barbare du général. Peut-être, par cet escalier, avait-on descendu la victime savamment insensibilisée. Catherine s'effrayait par moments de l'audace de ses conjectures, craignait ou espérait avoir été trop loin. Mais ne s'appuyait-elle pas sur des indices qui les authentiquaient ? Le côté de la cour où elle supposait qu'avait dû se passer la scène du crime étant en face de celui qu'elle habitait, elle pensa qu'en faisant le guet, elle pourrait apercevoir la lueur de la lampe du général à travers les fenêtres intérieures, alors qu'il se dirigerait vers la geôle de sa femme. Par deux fois, avant de se mettre au lit, elle se glissa furtive hors de sa chambre vers une fenêtre de la galerie. Mais autour d'elle, tout était obscur. Il était trop tôt encore. Divers bruits qui montaient la convainquirent que les domestiques étaient encore debout. Elle supposa que jusqu'à minuit, il était inutile de rester en alerte. Mais à ce moment-là, quand l'horloge aurait sonné 12 et que tout serait silencieux, s'il n'était pas déconcerté par l'obscurité de la nuit, elle sortirait à pas de loup et regarderait encore. L'horloge sonna minuit, Catherine dormait depuis une demi-heure.